إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمبي عز وجل كي سن درس توحيد كي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني نيغوان تي آية بوب دي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا جاكي يالا موهمو كنا ندم جاكي أي بربل ينيال برم بتبارك وتعالى بولين فا ñaan bu len fa jaamu keneen ku dul mom waxon na nak waxon nañ ne wa anna al masajida amna ñaari firi wa anna al masajida dina firi bere bi nga xamni moy bere bi ñi sujote da moy jakkay waye tamit dina firi cieur yi nga xamni moy cieur yi ñi sujote té moy juroom ñaari yaxi su joti yoyé yépp kon ci ñaari firi yépp suñu borom la ñëel kon da ngay dégg né kon bu féké place bañuy sujjété la suñu borom la ñëel bu féké cër yi ñuy sujjété tam suñu borom la ñëel mango kon place yi nga xamni moy place yi ñuy sujjété té moy jakkay kèn waru fa def bokale magok ndax lan dafa nek lo xamni ci uniquement réservé ñeël borom bi tabaraka wa taala bu fekke tamit ciir ñi sujjote la kenn waru ci bokale sujjot gogu ngay sujjot ci ciiri sujjot yoyu yalla rek nga ci wara sujjotal mo xam ciir yeb la wala ben la ci ciir yoyu buum ci lum ci mëna doon nak de nga mané cieur yi ñu sujjote yeen cieur la juroom ñaar la tudoon nañ ko kéro ci darse bi passé jebi ak bakkan bi muy ben yax ñaari loxo yi bu nekk ben la muy ñatt ñaari bëtu oomi bu nekk ben la bu fekkese ñaari bu fekkese ñatt yi muy juroom ak ñaari ciati baram yi bu nekk ben yax la juroom bu fekkese ñaar muy juroom ñaar yi ñoy yax su jooti yi ñoy ciiri su jooti yi nak suñu borom rek lañ ci wara su jootal mo xam su joot bu ñuy defando ak mbollem yax yeb la wala bok su jeet bu ñuy defando ben ci yax yoyu masala su joot bo xamni jeek kessa la wala jeebek bakken bi la buum ci mëna doon ciiru su joot yoyé suñu borom kep lañ ci wara su jootal de nga okay li motax jang bax société dafa wara nek lo xamanteni ni dañ koy tabax ci jang société dañ ko wara tabax ci jang manam jang mu wër waye desu ko tabax rek ci fogna yakarna ak bëgna nit ñi tay dañu fexé développer sen lan sen faculté bëgg mom lañ fexé développer de telle sorte que dortu ñu xamé la raison xol len tay restez chez vous ñepp ngui yuuxu tay restez chez vous mais taxul nit ñi mëna restez chez vous lutax parce que ku nekk sa banex ngay top yow oustaz bi wax sax li ngay deglu ci biir waxam moy li la ci neex da ngay gis ko xamni bu déggé ci saxul ko né oustaz waxtaan yi neex na mais oustaz bi jangalé wul pour waxtaan bi neex la Voilà. Il ne donne pas des cours pour ton propre plaisir. Dédit. Dédit. Bon, je pose tout ce qui est des petits politiciens. Même si politique, c'est la même chose. Les gens qui ont des politiciens, ils ont des problèmes. Que font les politiciens? Ils ont des discours qui sont bons. Ils sont bons. Depuis que vous avez exposé le discours. Mais les politiciens, ce que je dis, c'est utile. C'est des faits réels. C'est des réalités. C'est des possibilités. C'est l'avenir. C'est le développement. Ak lu ay idée pertinent té waxul nit ñi lu leen neex kenn duko faalé bo deful ndax sax ñu commencé ko diaboliser diko taxer est-ce que gis nga ça dire ñun ñoo am problème mais duñu jog di poser des actes ñoo am problème dañoo yaru ci banex bam upp ci suñu bëgg bëgg bop bu mu upp légui nak kuy poser acte bu meuna don ñun au lieu ñu xol acte bi muy poser ñu dem jëli les paramètres qu'il faut pour mën ko mesurer dedet dañuy ñëw ci suñu banexu bop ñu natulo gis nga suñu banexu bop lañ koy batté gis nga lool xol restez chez vous bi jël restez chez vous bi médecin yi ñi ngi nan restez chez vous lutax ñu né restez chez vous. Parce que, par exemple, les gens qui ont en général, si des jeunes ni mom, ils ne peuvent pas faire ça. Mais ils peuvent exposer les gens. Donc, restez chez vous, vous allez limiter ce que vous savez, c'est les contacts. Mais, si vous avez des gens, donc, comme les jeunes qui ont fait ça, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils ne mo man warna meuna genn defi shopping war man na genn dem geej xam nga warna meuna genn dem dawali li gis nga legui imagineel nga genn dem nek contact ko xamanteni ni mi ngi ak fever bi peut-être yow man la baña sonal mais bo delu sey sa keur sa mam mi ngi fa sa tante mi ngi fa ki mi ngi diabétique ki mi ngi am problème tension ki mi ngi am problème main nga wara nek en contact ak ñom legui nga exposer len pourquoi parce que sa bëgg bëgg bop sa bëgg bëgg bop ma délu ci wat ci oustaz yi légui loolu lan la créé oustaz yo xamanteni ni dañuy déglu nit ñi xol li nit ñi bëgg dégg ñu ñëw nak di leen ko exposer gis nga motax tay xolal fiñ tollu ni oustaz bu la gëna mëna génné bida mo la gëna mëna ray baat di layam layami. Pourquoi? Parce que lim bëgg moy audience bi. Audience bi tamit lan la bëgg? Ku koy wax lu ko neex. Yaa na? Yow xolo ki limuy wax wërna wala wërul? Ñaan yi muy joxe wërna wala wërul? Non. Mom dal na lay wax lo xamanteni mi ngi atteindre yow ce plaisir. Mi ngi atteindre ce bëgg bëgg dal mom. Kañ la biir di sorti? Kañ la mbir yi di sotti du gawa sotti légui nak bo ñëw ci ki nga xamanteni ni mom xolut say plaisir mom ana ah sa ya ki kay gi bay ni muy way ki kay ki mom yi tang yi muy wax ki kay mom nangam ki kay mom nangam ki kay mom nangam légui yeen ñaar kan mo wara xol bokkom muy ci côté oustaz bi muy ci côté politique bi muy ci côté santé bi muy ci côté bu meuna do c'est chez vous bobu gaay japp nañ ne dañ leen koy imposer légui xolel nañ xol restez chez vous bobu bu ko nit ñi déggul fa lañuy mujjé après ñu jël police par force restez chez vous légui nga genn ñu ramasse la rafal la après say mbokk juk commencer ah jog leen mom kay ablay ramasse lañ ko ah du ngeen meuna tok nak mom mais ablay lutax bañ ko né restez chez vous déggul mu tok. Mais c'est ça notre problème. Les moyens sont nos problèmes. Après, ils ont dit pour remuer ciel et terre. Sans comment il y a une publication, Arabie Saoudite ben bis prison lañ yor quoi resté ci bu bi ku ko respecté wul kuñ dajal ci mbéd mi ci bis bi lañ lay duggal ben genre bisu prison resté ci bu médecin yi wax nañ ko mais war nañ ko bayyi seen liggéey ñoom bayyi malade yi ñëwaat nañ ñu resté ci bu ta bi ñuy ñëw di ñu wax resté ci bu mais mënu ñu ko occuper ay malade mais lan la yarine bo xamni sa bëgg bëgg rek nga xam yow li la neex yow tu ne cherche que tu ne à la recherche que de ton plaisir dañ delluat jangat histoire dem ni ñu bax xola Salman al-Farisi su doon plaisir lay sét mais mu togon ci dëkkam togon dend ak famem ay wayjuro ñakul won dara manké wul won dara mais xola li mu daj parce que dëgg la doon wër deug la doon wër nango ko lol ñu bayyi ci xel bu baax bu ko defé ko waxon nañ né bammel ak jakka bokkuñu place duñu and kenn du len bolé kenn du len bolé ñu déllu wat wax né jakka suñu borom képp moko mom kon kenn du ko bokalé kenn waru fa def lu neexul yalla kenn du fa ñaan keneen ko dul yalla ñu delu wat wax ni cieur yi nga xamni moy cieur yi ñi sujjote lillahi yalla moko mom wa annal masajida niki cieur yi ñi sujjote lillahi yalla moko mom kenn waru ci sujjotal kan kenn ko dul yalla mango bu ko defé kon fala tad'u momit amna ñaari firi fala tad'u du'a mas'ala فلا تدعو الدعاء دعاء العباده نيانوك لات اك نيانوك جامو نيار يي ييب تاميت سونو بوروم موي كيكو نيانوك جامو موم امول سيباراسيون امول تقسيم باسكو جامو يالا لا سونو بوروم موكو موم مي نيانوك لات غيسون نين سيباراسيون بينتي ديفون كاج لاي داغان فور مبنديف نيان مبنديف تي كونديسيون يا موي نينت كونديسيون يوا خون mais tay ba tay fiñ tolli da ngay gis ya nga gis ay vidéo yu circulé ay nit tok di ñaan ko dul yalla pour di ñaan ñu dé pour ñoñu xétté li kañ lañuy comprendre message yi sunu borom bi joxé kañ lañuy comprendre li alcorane di wax ni su féké alcorane jangatuñ ko alcorane légui karaw lañ ci sét karaw xolal même wa karo ba leg ya ngi gis ñu def ay vidéo nan dañuy défendre seen position quoi néna ya xolal monde bi tay actuellement ay États-Unis ak France gaay ñi ngi lijeenti ay traitement ñi ngi lijeenti ay traitement mais xol leen africain yi fiñ toll karo lañuy lijeenti ñom karo karaw ba ñew ba ci alcorane sax nenañ karaw la ñi li jënti quoi gis nga top bëgg bëgg gis nga top bëgg bëgg top bëgg bëgg top ba neex flew wo la c'est une maladie c'est très dangereux nit deug lañu top lo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum gis nga ko top len liñu wacce mu bo sen borom li yalla mom mënu yalla kenn duko ñaan bindef mëno la yene bindef fi dafa bax ba war la mëna may li yalla mom mais man mi tay bo ma doon mën do ma doon ñaan li président yoré est ce que mëna la ko may hmm lan motax bu période grâce joté prisonniers yi lutax ñi adresser ay demandes de grâce kan lañ koy adresser lutax duñ dem adresser ko ci bammel yi nañ bind demande yoy jox sen bokku ñu yobul len ko ci bammel yi mais président de la république mi fi nek lañ koy jox parce que lolu ciërum la légui lan motax nak kon ciëru suñu borom jalla wa ala ñu dem diko laaj ay middeef diko wut ci ay middeef surtout ñi faatu ku faatu kenn duko ñaan waxon nañ la charte yi nga xamanteni ñaanuk laaj dañ koy defé ba ca ñëk moy an yakuna hayyan mu nekk kuy dund kon yoyu nañu arrêté doxalin bobu du doxalin julit julit da fay conforme ak alquran mais tay notion beug beug bobu notion bu yama neex bobu li moma neex bobu ba ci diine ji mo fi nek politique bi mo fi nek presque fo dem mo fa nek motax nga gis a chaque fois des blocages yo xamanteni yow da ngay laacc sa bop mais li lan moko bloquer parce que lolu mokoy bloquer yama neex bobu nañu fexé yar sun bop ci deug yar sun bop ci xol li nga xamni moy njariñ li nga xamni moy li bax banex nak amna domainam ñu yamale ko ci domainam gis nga top banex bobu tay xol fi ñu yobbu ana jori ñi fay ay milliards tay ñaata médecin ñoo faatu ñoo xamanteni ni seen sabab bu faatu mi ngi joge ci lan jog di affronter fièvre bi doon jappalé ay malade ban médecin fi lañuy fay liñuy fay joueur de football yi mais top suñu banex mo ñu yobbu fofu ñun ñep dañ ko accepter da ngay sax ñeneen ñi diko poukéré wo ndax lan nenañ fan su jour bi lañ médecin yi am nañ fan su club infirmier yi am nañ fan su club tay situation bi yalla buñ ca egg mais situation di yenn dëkk yi bi mu démé ba critique soldat si lañ génné ñu wara affronter tamit militaire yi ya parmi eux des médecins ñi ngi apporter sen soutien di risquer xolal militaire bi li muy risquer bu bal génné mom moy risquer gis nga febar ñew tam mu wara ñewar risque ana ñi ñi fay million yi ana mbeuri ana joueur de foot yi ana basketteur yi pourtant ñi lañuy fay ay milliards ay millions ñu nan non c'est des millionnaires lolu le joueur le sportif le mieux payé au monde ki la ko naxé quoi parce que xamnañ ni yow top katou banex nga c'est ça le problème ñu la koy naxé le médecin le mieux payé au monde moy kan qui est le médecin le mieux payé au monde xol le médecin da ngay dugg carapit dajé ci ay médecin xol la jangalé kat yi normalement ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala suñu borom buñu dimbalé bañu jall état bu corona bi waron nañu xolat secteur yi muy santé bi muy enseignement bi muy sécurité bi ñi war nañ leena woowat gis nga liñ doon fay mbeur yoyu même buñ ko mënta récupérer buñ ko mënta récupérer ñi ñu fexé mettre leen ci situation yu bax au minimum médecin jangalé kat homme de tenue war ñoo nekk di fay las au minimum ñu am auto bo xamanteni dañ leen koy jox duñ ci jënd gasoil ñoo leen ci jëndal gasoil ñu ci jox service parce que tay ñom ñoo fi taxaw di jël risque dé taxaw ñu le risque dér amna ñu naan ñu rester chez vous nous allons affronter la mort nous allons combattre la maladie vous restez chez vous ñom ñoo ñukoy wax mais kon ñun amel nañ leen jukkal mais tay xola corona day jall gis nga bi isnilla corona buy jall nga gis ñu naan aji nañ arène bi mbeuri commencé jogati di donkal yi way kat yi genn théâtre yi feul na football kat yi genn di ciëp yi nak di teul bal melni lolu moy l'essentiel tay mi ngi ni du stade yi tej nañ ko en champions league you can khabul yoy nga xamni kona fata ma naf'uha lan moy njiriñam dalay gëna soral yalla dalay gëna pertlo satan tay tay xam nga yaangi tit nan ma corona bi dina ci genn wala duma ci genn legui nak nala yalla dimbali nga genn ci corona bi après nga jëlat ay 90 minutes diko jox football bi nga xol ba xam yow yaangi sante yalla wala santo yalla nga jëlat say jaamu yalla diko jox ay bammel wala diko jox ay mbindef nga xol ba xam yaangi sante yalla wala santo yalla mu melni dañuy tek fi sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.